France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, voyage au cœur de l'un des endroits les plus mystérieux de la planète, le Triangle des Bermudes. Lieu de disparition répétée et inexplicable, endroit hanté et maudit, zone de navigation imprévisible et dangereuse, voilà plus de 60 ans que le Triangle des Bermudes alimente la culture populaire de ses drames. Ornant la une des journaux, parfois alimentant les débats, souvent proposant une source intarissable pour les divagations des blogueurs et autres complotistes. Toujours, le Triangle des Bermudes est bien plus qu'un mythe, car à la différence d'autres lieux fantastiques, lui existe bel et bien sur les cartes. Situé dans l'océan Atlantique, au large de la Floride, c'est un endroit où les conditions météo sont dantesques et où les éléments se déchaînent. Mais cette météo peut-elle expliquer à elle seule la disparition de plus d'une centaine de navires et autant d'avions? Comment expliquer également que des appareils militaires s'y soient volatilisés? La froide version de la science viendra-t-elle un jour à bout de la moiteur de cette énigme subtropicale? Eh bien, figurez-vous que récemment, certains savants pensent avoir trouvé la clé du mystère. Notre invité aujourd'hui, Gilles Reverdin, océanographe, chercheur au CNRS. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Il y a quelques semaines, un livre de Charles Berlitz, traduit de l'américain, s'est trouvé sur ma table. Ce livre, Le Triangle des Bermudes, raconte l'histoire d'une zone au large de la côte sud-est des États-Unis, un triangle délimité par les Bermudes, la Floride méridionale et Porto Rico, où des disparitions de navires et d'avions sont enregistrées sans qu'aucune explication raisonnable ait jamais été donnée. Beau sujet, beau tremplin, pour une sorte de conte fantastique auquel seraient mêlés tous ceux qui ont cherché la faille ouvrant sur le centre de la Terre, de Dante à Malcolm Lowry, de René Daumal à Edgar Poe. Le mythe qui entoure le Triangle et le Bermude et dont France Culture se fait l'écho trouve sa source par une nuit de cauchemar du mois de décembre 1945. Ce soir-là, à la base aérienne de Fort Lauderdale, située à la pointe sud de la Floride, les événements se précipitent et prennent une tournure tragique. Le contrôle radar perd le contact avec une escadrille composée de 5 avions militaires. La 19, c'est son nom, était partie pour un vol d'entraînement dans le courant de l'après-midi et aurait déjà dû, selon son plan de vol, revenir à la base. Lors de son dernier contact avec la tour de contrôle, le leader de la formation, le lieutenant Taylor, a expliqué par radio que son groupe venait de se retrouver piégé dans, je le cite, une tempête de vent et de pluie inimaginable. Quelques instants plus tard, ce même Taylor annonce sur le canal d'urgence que ces deux compas, instrument de navigation qui servent à estimer la position et donc une direction, viennent de tomber en panne. Et qu'il en est de même pour le reste de son escadrille. Ensuite, le contact a été rompu. Plus aucune nouvelle du lieutenant Taylor, ni des autres appareils. Au total, 5 avions, 14 pilotes et leur équipage manquent à l'appel. L'US Navy dépêche sur place 2 hydravions d'une unité de secours et de reconnaissance. Les appareils décollent et s'enfoncent dans la nuit noire au-dessus de l'océan Atlantique. Quelques heures plus tard, seul l'un des deux revient se poser à la base. L'autre, avec 13 militaires à bord, s'est volatilisé. Pendant plus d'une semaine, la marine américaine organise l'une des plus grandes opérations de sauvetage jamais vues par temps de paix. Des avions, des bateaux et même un sous-marin sont envoyés sur la zone de la disparition, située à environ 170 km des côtes de la Floride. Mais malgré cette débauche de moyens, aucune trace des 5 avions de l'escadrille, aucune trace non plus de l'hydravion de secours. Bilan, une quarantaine de soldats portés disparus et par la suite déclarés morts, l'un des pires drames dans l'histoire de l'aéronavale américaine. Si l'enquête officielle pointe la responsabilité du lieutenant Taylor, jeune militaire de 28 ans que certains accusent d'être inexpérimenté et donc d'avoir pris les mauvaises décisions lors de la tempête, le constructeur des avions lui pointe un tout autre problème. Il est techniquement impossible qu'une panne affecte les compas de 5 appareils en même temps. Or, à en croire le dernier échange radio Taylor avec le contrôle radar de Fort Lauderdale, c'est pourtant bien ce qui se serait produit en cette nuit de décembre 45, lorsque lui et son escadrille volaient à proximité des îles des Bermudes. Une explication doit exister, n'est-ce pas ? Il me semble que ce n'est pas supernaturel, mais peut-être... si je peux dire, surnaturel, quelque chose qui un jour sera naturel, mais que nous ne comprenons pas jusqu'à maintenant. Ce qui est plus intéressant dans le triangle de Bermude, ce sont des choses qui se passent sans que les bateaux ni les avions se perdent, puisqu'il y avait toujours des gens qui avaient eu des expériences là-bas, qui ne voulaient pas en parler pour ne pas vouloir se soumettre au ridicule. Mais maintenant, beaucoup de monde parle. 30 ans plus tard, au milieu des années 70, le linguiste et écrivain américain Charles Berlitz, que vous venez d'entendre, publie l'un des tout premiers livres consacrés au mystère et au secret du Triangle des Bermudes. Après plusieurs années de recherche et d'enquête, il propose une compilation de tous les accidents répertoriés dans la zone, qui vont de simples disparitions inexpliquées pendant la Première Guerre mondiale à des réapparitions encore plus mystérieuses par la suite. Oui, des navires ont disparu puis réapparu, mais sans leur équipage. C'est la tragédie de l'escadrille 19 et quelques articles publiés dans la presse de l'époque qui ont convaincu Charles Berlitz de s'intéresser à cette affaire. L'écrivain ne croit pas à la simple explication d'une météo capricieuse ou démentielle pour expliquer tous ces phénomènes. D'autant qu'il prétend que Christophe Colomb aurait lui-même été victime de certains événements étranges au passage de la zone en 1492. Pour Berlitz, il n'y a qu'une seule vérité et elle est sciemment cachée par les autorités américaines. Dans les premiers chapitres du livre, le lecteur découvre une succession de témoignages de pilotes d'avions et de passagers, tous recueillis et enregistrés par Berlitz. Ce qui est étonnant, c'est que toutes ces déclarations datent d'époques différentes, de personnes à la réputation sans faille, qui ne se connaissent pas et enfin qui se recoupent. Dans plusieurs récits, certains témoins confirment à l'écrivain avoir vu ou cru voir une sorte de reflet dans l'eau lors de leur passage au-dessus de la zone, comme si quelque chose se cachait sous la surface. D'autres affirment avoir pu discerner les immeubles d'une ville, d'autres encore décrivent une sorte de montagne sous la mer. Certains même affirment qu'ils sont sûrs d'avoir vu des corps et des débris flotter à la surface. Autant de choses qui fleurent bon le fantasme, voire le complot, quelque chose sous la mer préparerait ses coups pendables. Pour rendre crédible sa théorie, Berlitz contacte les gardes-côtes américains. Et voilà ce qu'il lui aurait dit. La 9e corps de garde-côte à Miami a une lettre. Et la lettre dit aux intéressés, répond aux intéressés en disant « Le triangle de Bermude n'existe pas, c'est une légende. » Et puis, on donne le data supplémentaire en disant exactement où ça se trouve. C'est-à-dire, il nie l'existence, mais il en donne les données. Oui, bien sûr. Critiqué par les uns, traité de fou par les autres, dans sa quête de vérité sur le triangle des Bermudes, Berlitz va noyer sa réputation, ainsi qu'une partie de l'image de sa méthode d'apprentissage en langue étrangère. Consolation tout de même, son livre sera vendu à plus de 5 millions d'exemplaires et traduit dans plus de 20 langues à travers le monde, ce qui en fera l'un des ouvrages les plus lus en 1976. D'ailleurs, si c'était cela le vrai but de la manœuvre de la part de ce Berlitz. Pour autant, s'il est le personnage le plus connu à avoir parlé du triangle des Bermudes, il n'est pas le premier. Depuis les années 50, des articles et autres rumeurs relèvent déjà une série de catastrophes inexpliquées dans la zone. C'est d'ailleurs au journaliste américain Vincent Gaddis qu'on doit l'expression « triangle des Bermudes », un endroit que le journaliste décrit dans l'un de ses articles comme hautement dangereux et fortement mortel. Une conclusion bien rapide pour un homme qui, précisons-le, habite à plus de 2000 km de là, dans les plaines de l'Ohio. Toujours est-il que, ramené au contexte bouillonnant des années 70, au moment où Berlitz publie son livre et où Gaddis fait figure de père du concept du triangle, les États-Unis et le monde vivent dans la paranoïa de la guerre froide. Chaque événement dramatique, inexpliqué, vire en coulisses à la psychose d'une possible attaque secrète d'un bloc contre l'autre. Face à l'apparente passivité des autorités américaines qui apparemment ont d'autres chats à fouetter, et afin de tenter de percer eux-mêmes le mystère d'une zone située à seulement 150 km de ses côtes, de nombreux amateurs d'aventure ou de simples curieux vont se lancer dans des expériences rocambolesques. Un quotidien de Miami rapportera ainsi l'exploit tenté par un père de famille parti en mer avec ses deux enfants. À bord de la partie hors bord, ils ont embarqué 100 kilos d'aimants. Leur objectif ? Tenter de prouver qu'il existe bien sur place, dans le triangle, un champ magnétique d'une force exceptionnelle, donc surnaturelle. Si l'histoire ne donne pas le résultat de cette tentative loufoque, l'actualité en revanche rappelle mois après mois une terrible réalité, la liste des victimes du triangle continue de s'agrandir. Le triangle des Bermudes que chante Mort Schumann, le triangle maudit comme on l'appelle, a peut-être fait de nouvelles victimes. L'équipage d'un minéralier perdu corps et biens avec 37 personnes à bord dans cette zone délimitée par Norfolk en Virginie, Porto Rico et les Bermudes. Le triangle du diable, on en parle depuis des années. Disparition d'avions, de voiliers, de navires de guerre sans laisser aucune trace. Les théories les plus incroyables ont été élaborées. De l'Atlantide au rayon de la mort en passant par l'attraction en provenance de matériaux radioactifs. Je laisse à votre imagination le soin d'en tirer des conclusions. Et pourtant les forces combinées de la nature et le comportement imprévisible des hommes surpassent souvent les meilleurs romans de science-fiction. Restés jusqu'ici très en retrait de cette affaire, les autorités américaines réagissent. À Washington, l'histoire de la dangerosité du triangle n'inquiète personne. D'autant que ce dossier risque de couvrir de ridicule un pays capable d'envoyer les hommes sur la Lune, mais un foutu de cerner un mystère le long de ses côtes. Alors, une commission spéciale de l'administration fédérale de l'aviation, composée de scientifiques et de pilotes, se rend sur place, là, dans cette zone qu'on prétend maudite. Pendant plusieurs semaines, le groupe note une série de phénomènes météo violents qui pourraient, selon eux, être à l'origine de ces disparitions. Présent sur place à Washington, le correspondant de France Inter, Lucien Barnier, raconte. Au mois de novembre dernier, l'administration fédérale de l'aviation américaine a jugé ce cas du triangle des Bermudes, cette mer de 320 000 km² de superficie, et voici ce jugement. Le triangle des Bermudes est une région où les phénomènes météorologiques prennent une ampleur maximum. Évaporation de l'océan, formation de vents ascendants, naissance d'ouragans, courants marins, y compris le Gulf Stream. Le rythme des phénomènes météorologiques est extrêmement intense. Le mauvais temps surgit en quelques minutes, d'où le nombre élevé de naufrages. Les avions légers s'aventurant souvent dans cette région où le ciel est faussement engageant, sont victimes de la témérité des pilotes. Le piège du triangle des Bermudes est essentiellement celui d'un ciel qui change presque instantanément et passe en quelques minutes seulement du bleu d'azur au redoutable gris plombé des nuées tropicales. D'ailleurs, les lieux maudits sont de toutes les légendes et de tous les temps. Jadis, c'était Caribe de Scylla et naguère la baie des Trépassés. Guerre froide oblige, les Soviétiques vont eux aussi s'intéresser au triangle des Bermudes. Si la documentation à ce niveau est très parcellaire, on sait en revanche que dans l'esprit enfiévré des gérontocrates du Parti communiste, si une force mystique ou d'une nature nouvelle devait se trouver sur place, elle devrait être découverte, récupérée et étudiée par le Bloc de l'Est. L'autre grand intérêt des Soviétiques est d'utiliser cette zone à la topologie sous-marine très marquée comme une possibilité de repli ou pour poster des sous-marins contenant des missiles nucléaires. Et puis, cet éventuel cheval de Troie communiste qu'est Cuba n'est pas si loin. À l'été 1978, un plongeur apnéiste marseillais du nom de Jacques Mayol annonce qu'il se lance dans une incroyable opération pour tenter de faire la lumière sur le triangle des Bermudes. Premier plongeur à avoir atteint les 100 mètres de profondeur en apnée, Mayol jouit d'une solide réputation pour son expertise des milieux marins, au point d'ailleurs d'être devenu l'an passé le premier réalisateur d'un film érotique sous-marin. Oui, une œuvre intitulée « Lure of the Triangle » et qui nous emmène dans les profondeurs des océans pour découvrir la passion charnelle entre un homme et une femme bloqués dans un navire qui sombre. Aidé par un riche industriel grec, le plongeur cinéaste, ce cousteau des fonds sous-marins, est persuadé qu'il va retrouver les traces d'une civilisation perdue de 25 000 ans d'âge et peut-être même, allez, pendant qu'on y est, l'Atlantide. La seule façon d'en être sûr, selon lui, est de descendre dans cette zone en plongée avec un sous-marin de poche muni de projecteurs, ensuite perforer la paroi de la structure mystique qui se cacherait là, analyser les échantillons carbone 14 et enfin percer la large épaisseur de la pyramide pour y entrer. Rien de plus simple, non ? Joint au téléphone par France Inter, Mayol explique les éléments dont il dispose et qui le poussent à tenter cette expédition. Un pêcheur américain qui avait trouvé en fin de 1976, qui avait fait un relevé au sonar latéral en cherchant des bancs de poissons dans le sud des Bahamas, au large des côtes floridiennes. À sa grande surprise, son sonar avait relevé des lignes parfaitement un triangle, exactement. Il a trouvé que c'était bizarre et il l'a fait vérifier par un archéologue de grand renom en Floride, le Dr Manson Valentine, qui lui a dit « Mais tout cela a l'air parfaitement d'une pyramide. » Il n'y a qu'une seule façon de pouvoir vraiment évaluer cet objet, n'est-ce pas ? Est-ce un phénomène naturel ou est-ce vraiment une pyramide ? C'est un truc monstrueux qui fait dans les 200 mètres de hauteur, c'est à 100 mètres de profondeur au-dessous du niveau de la mer. Enfin, c'est colossal, on ne peut pas prendre de photos de cet objet. Vous n'écartez donc pas l'hypothèse de l'Atlantide ? Non, ça, franchement, je ne l'écarte pas. Des résultats de l'expédition, on ne connaîtra pas grand-chose. Toujours est-il que Mayol disparaîtra par la suite quelques années des écrans radars pour mieux revenir sur les écrans tout court lorsque son personnage inspirera plus tard Luc Besson pour le rôle principal de son film Le Grand Bleu. Maintenant, à l'exact opposé de Berlitz, Gaddis ou même Mayol, il y a ce documentariste américain David Koush. Pour lui, le mythe du triangle a été fabriqué par ceux qui veulent y croire. Se basant sur une analyse minutieuse des archives maritimes et des rapports officiels, Koush constate que la géométrie du lieu se révèle très variable suivant les années. Ainsi, certaines disparitions sont référencées dans la zone, alors qu'en réalité, elles ont eu lieu ailleurs et parfois même dans le Pacifique. Koush découvre aussi que, prise une par une, la plupart des affaires trouvent une explication rationnelle. Telle personne partie en congé sans donner de nouvelles, évaporation d'une autre sur fond d'affaires d'arnaque à l'assurance. C'est lorsqu'ils sont pris ensemble que les faits donnent faussement, selon lui, l'impression d'avoir un dénominateur commun. Un avis partagé par le sociologue français Pierre Lagrange, pour qui, je cite, « à chaque fois les faits sont connus et accessibles. Seul change la manière dont ils sont agencés et mis en perspective. » Ceux qui ne se satisfont pas des interprétations rationnelles considèrent qu'il existe, au-delà des coïncidences, une explication globale d'essence surnaturelle. Ainsi, explique Lagrange, sorti de son contexte et en se basant sur le fait qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans le triangle, même l'affaire la plus banale devient le lieu de toutes les spéculations. Oui, mais comment expliquer la disparition d'avions entiers et de bateaux dans la même zone depuis 50 ans tout de même ? S'agit-il d'une coïncidence ? Comment expliquer ces faits troublants qui continuent de faire la une de l'actualité ? Le mystérieux triangle des Bermudes fait encore parler de lui. Un avion américain qui faisait route de New York à Panama avec 153 passagers à bord a fait un plongeon de 3000 mètres au-dessus de ce mystérieux triangle des Bermudes. Après avoir été pris dans des turbulences, 26 passagers ont été blessés et l'avion a dû se poser à Miami. Le triangle des Bermudes est une zone où plusieurs avions et plusieurs navires ont disparu sans que l'on puisse donner aucune explication scientifique ou technique. De nombreuses enquêtes n'ont pas encore permis de déterminer la réalité de ce phénomène. Le mystère du triangle des Bermudes continue de fasciner et d'intriguer dans le monde entier. Et il faudra aux scientifiques encore plusieurs années avant de trouver une partie de la clé de l'énigme qui l'entoure. Inter, affaires sensibles. Voici le journal d'Alain Bédouet. On reparle du tristement célèbre triangle des Bermudes, cette zone de l'océan Atlantique comprise entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes, justement. D'après un savant soviétique, ce triangle où beaucoup de bateaux et d'avions ont déjà disparu assez mystérieusement, ce triangle pourrait être à nouveau le théâtre d'un désastre demain mardi à cause des positions respectives de la Terre, de la Lune et du Soleil. Ce savant soviétique a en effet établi que les naufrages et les accidents d'avions des Bermudes se sont produits presque toujours lorsque la Lune était pleine et à son périgée. Or, ce sera à nouveau le cas demain. Cette conjonction des planètes pourrait entraîner des phénomènes magnétiques qui dérégleraient les compas ou les gyroscopes. Il ne s'agit que d'hypothèses, mais elles font tout de même réfléchir. Depuis 1945, plus d'une centaine de navires et d'une vingtaine d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. À l'automne 86, à quelques jours d'une rencontre au sommet à Reykjavik entre le président américain Reagan et son homologue soviétique Gorbatchev, un accident se produit au large des côtes américaines, dans la zone du triangle des Bermudes, justement. Le navire accidenté, qui gît dans les profondeurs, est un sous-marin soviétique à propulsion nucléaire, le K-219. À son bord, 16 missiles balistiques. Les premières informations qui circulent sont très floues et donnent lieu très vite aux premières spéculations. Le triangle des Bermudes vient d'avaler sa première bombe atomique, titre un journal satirique américain. Un autre parle du danger de cette zone maritime hors de contrôle. En réalité, on ne l'apprendra que bien plus tard, l'accident n'avait strictement rien à voir avec le triangle des Bermudes, non. Le K-219 a coulé après une probable collision avec un autre sous-marin, un américain, qui patrouillait dans la zone. Au micro de France Inter, le secrétaire d'État aux risques majeurs et aux catastrophes naturelles, Arun Taziev, se montre rassurant. Sous l'eau, le plutonium ne présenterait aucun danger. C'est déjà ça. Le plutonium de ces ogives nucléaires restera pendant quelques siècles à l'abri de la mer, parce que il est dans les ogives qui sont sans doute en métal, qui est capable de résister des milliers d'années à l'eau de mer. Ces ogives elles-mêmes sont dans le sous-marin, donc là il n'y a aucun danger. Et quand le plutonium sera libéré après des siècles, des millénaires, et qu'il sera sur le fond marin, non seulement il n'explosera pas, parce que pour exploser il faut que les deux masses soient mises en rapport, mais de surcroît le plutonium à l'état solide ne présente aucun danger. La meilleure preuve en est que sur les emplacements où l'on faisait jadis des essais aériens, avant qu'on les fasse souterrains, n'est-ce pas, les essais subaériens pour les bombes nucléaires, il y a du plutonium et on connaît l'endroit où il y a du plutonium, mais ça n'empêche personne de vivre, de se baigner à proximité, de manger les crustacés qu'on pêche à quelques centaines de mètres de ce plutonium. Donc, sous cet état-là, le plutonium n'est absolument pas dangereux. Donc, il ne faut pas s'en faire. Bien, merci. Tout au long des années 80, de nouvelles disparitions, de nouveaux faits inexpliqués, et surtout des livres, films, jeux de cartes et même jeux vidéo viennent cultiver l'idée que se cache encore quelque part, sous l'eau du triangle des Bermudes, une incroyable énigme. Au mois de juillet 1997, la farce qui était pour certains le mythe du triangle se transforme en histoire macabre, et celle-là bien réelle. En pleine nuit, à plus de 1000 km des côtes américaines, un bâtiment de la Royal Navy, de retour d'un exercice, détecte un petit point vert sur son radar. L'objet semble dériver. Malgré une mer déchaînée et malgré un manque de visibilité, le commandant du navire britannique ordonne de faire cap et d'intercepter cette embarcation, estimant qu'il s'agit sans doute de plaisanciers qui se sont perdus ou de trafiquants de drogue qui tentent de rejoindre New York ou le Canada. Quelques dizaines de minutes plus tard, la frégate britannique est en vue de ce qui semble être à la jumelle un petit voilier. Sauf que long d'une quinzaine de mètres, l'embarcation n'a pas de voile et ressemble plutôt à un navire fantôme avec ses haubans détendus et une ligne de vie à moitié défaite. Il n'y a aucune lumière à bord et personne ne répond à la radio. Le commandant britannique décide alors d'envoyer une navette rapide avec des commandos pour aborder le navire. La suite, c'est le journaliste de France Inter, Nicolas Ballet, qui la raconte. Et là, stupeur, à bord, ils ne trouvent personne. Le yacht est vide. C'est un bateau fantôme avec seulement quelques objets abandonnés ici ou là. Une alliance, des vêtements, un cendrier et surtout, surtout, deux passeports. Des passeports qui permettent d'identifier les occupants supposés du voilier. Un certain Ralph Schilling et son épouse. Deux ressortissants allemands dont on est sans nouvelles depuis une dizaine de mois. Tout ce que l'on sait d'eux, c'est qu'ils ont vendu leur maison pour s'acheter ce bateau et partir naviguer sur les mers du globe. S'agit-il d'un suicide, d'un accident ou encore d'un acte de piraterie, ou même d'une de ces disparitions inexpliquées qui ont fait la légende du fameux triangle des Bermudes ? En tout cas, cette découverte en rappelle une autre, c'était en 1872, en plein hiver. Cette année-là, la marine britannique avait retrouvé le Marie Céleste, un bateau à la dérive. À son bord, aucun des 10 membres de l'équipage, mais sur une table, le petit déjeuner de servi, avec des tasses de thé encore chaud. Comme si la longue série d'accidents ne suffisait pas. Au mois de décembre 2000, cette fois, c'est le porte-avions français Charles de Gaulle qui est victime d'une avarie alors qu'il navigue au large des Bermudes. Une pâle de l'hélice se rompt, et il n'en faut pas plus pour que la rumeur enfle de nouveau encore un coup du triangle. Aux États-Unis, cet incident agit comme un révélateur chez ceux qui restent convaincus du mythe du triangle. Aucun navire n'est suffisamment puissant et solide pour résister aux mers déchaînées de cet endroit du globe. La preuve ? Quelques semaines plus tard, le rapport d'enquête de la Marine nationale leur donnera tort et pointera, lui, une toute autre cause. Une défaillance dans la qualité de fabrication de l'hélice. L'information est importante et pourtant, les médias américains ne l'évoqueront jamais. Il est vrai qu'elle est désespérément prosaïque. Les Bermudes recèlent des dangers qui, bien qu'imprévisibles, n'ont rien de surnaturel. Conditions météo instables, trafic maritime aérien dense, coïncidence du nord magnétique et du nord réel, attaque de bateaux par des pirates convoyeurs de drogue. Après des années d'errance scientifique sur la question, en 2015, plusieurs équipes de chercheurs soumettent l'idée que le phénomène qui se cacherait derrière les disparitions des Bermudes pourrait être le même qu'un autre, déjà observé et analysé en Sibérie. Sur France Inter, le journaliste Éric Delvaux explique. Une équipe de chercheurs russes et norvégiens évoque désormais l'hypothèse de poches de gaz pour expliquer ce mystère. Du méthane enfermé sous l'eau, dans la croûte terrestre, et qui gonfle progressivement. Et lorsque cette masse de gaz se libère, eh bien elle retire la densité de l'eau. Les bateaux ne seraient donc plus portés par la mer. Et incapables de flotter, eh bien ils disparaîtraient soudainement, attirés vers le fond. Des émissions de gaz qui perturberaient également les avions qui traversent la zone. Les émanations de méthane qui diminuent la densité de l'eau pourraient donc être à l'origine du naufrage de bateaux présents dans la zone. De même, ce produit qui remonterait jusqu'à la surface, puis se mélangerait avec l'air, pourrait entraîner des turbulences atmosphériques et donc des difficultés de navigation pour les avions. Comme l'explique la journaliste Sylvie Roy dans les colonnes du magazine Science et Avenir, l'hypothèse des bulles de gaz de méthane avait déjà été évoquée en 2001 lors de la découverte de l'épave d'un chalutier à coque d'acier par une équipe de l'université de St. Andrews en Écosse. Ce vaisseau fantôme d'une vingtaine de mètres, enveloppé d'un linceul de filets de pêche qui s'était accroché au fil des ans à ses balustres, explique la journaliste, était posé intact sur sa quille, sur les couches sédimentaires au centre d'un immense cratère de 120 mètres de profondeur nommé le Trou de la Sorcière. Une région sous-marine qui regorge en effet de cuvettes argileuses, vestiges de l'éclatement d'anciennes poches de gaz. La théorie est séduisante sur le papier. Difficile pourtant de réaliser une expérience grandeur nature sur place. Difficile aussi de convaincre les fans de la théorie triangle qu'il existe une explication tout à fait rationnelle, parce que c'est très décevant. Une chose est certaine, les progrès de l'analyse et de la prévision météo ont rendu les naufrages et les accidents beaucoup plus rares depuis le début des années 2000. Tiens donc. Mais sur les îles des Bermudes, des tours opérateurs peu scrupuleux proposent, moyennant finance bien sûr, d'emmener touristes et curieux plongés à certains endroits pour apercevoir des épaves de navires et pourquoi pas découvrir un trésor englouti. Le triangle est devenu dans notre monde marchand, c'est pas étonnant, un véritable business, avec ses codes, ses excès et bien sûr ses produits dérivés, t-shirts et porte-clés en forme de monstres marins. Sur les forums, les blogs et les réseaux sociaux aux États-Unis, les théories les plus folles continuent de circuler. Certes, elles sont moins nombreuses qu'avant, moins visibles. Pour autant, l'idée d'une manœuvre orchestrée par l'armée américaine est toujours l'hypothèse qui fédère le plus les complotistes de la première heure. Dans les grandes lignes, l'armée américaine se serait livrée à un essai nucléaire sous-marin qui aurait créé une sorte de trou noir qu'elle aurait tenté de reboucher. Pour éviter que quelqu'un ne découvre l'abominable vérité, elle coulerait, détruirait tous les navires et avions qui s'approcheraient de trop près. Plus c'est gros, plus ça passe. Mais aujourd'hui encore, le mythe du triangle des Bermudes continue de fasciner le grand public en Occident. Et que les amateurs d'aventures en haute mer, de triangulation ou de chasse au trésor se rassurent, si un jour le secret venait à être percé, il leur restera un autre triangle, mais oui, encore plus mystérieux. Celui-là se trouve de l'autre côté du globe, en mer du Japon, un endroit connu sous le nom de mer du diable, ou triangle du dragon, et où se trouverait une île renfermant un pouvoir surnaturel et destructeur. Voilà, maintenant vous pouvez vous réveiller. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le triangle des Bermudes, dont nous allons parler avec notre invité Gilles Reverdin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes océanographe, chercheur au CNRS. Alors comment le triangle des Bermudes s'est-il imposé comme l'un des endroits les plus mythiques et les plus craints du monde océanique? Alors, on a répondu en partie à cette question dans le récit, mais encore. Vous avez répondu, parce qu'en tant que scientifique, pour moi, le triangle des Bermudes, c'est juste une région du globe. C'est une région intéressante, mais pas particulière pour beaucoup d'aspects. Alors en fait, elle est intéressante parce qu'elle a une grosse histoire, qui s'est passé plein de choses, mais elle n'a peut-être pas beaucoup de science, en fait, c'est ça ? Tout à fait. Donc c'est quoi ? C'est un fantasme, on peut le dire directement ? Je pense qu'en bonne part, c'est un fantasme, oui. Bien, d'ailleurs, avec les années, il semble que le triangle des Bermudes ait perdu quelque peu de son charme et de son pouvoir d'attraction. Pourquoi, à votre avis ? Parce que je pense que finalement, alors je ne sais pas, il y a peut-être d'autres sujets qui attirent plus, mais la connaissance scientifique que l'on a de cette région devient de plus en plus importante. Donc il est difficile de trouver vraiment un point mystérieux qui pourrait vraiment retenir l'attention et déclencher bon, toutes sortes de fantasmes aussi. Parce que la science est trouble faite quand même. Hein. Il y a d'autres points dans le globe, on en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi le poteau noir. Alors le poteau noir, c'est très différent, mais enfin le poteau noir, plusieurs avions ont été accidentés, ben, notamment oui. Le Rio-Paris. Hein, oui, oui. Qui est, poteau noir, je crois que c'est en trois mots, c'est pot au noir. Hein, c'est pas un poteau, quoi, c'est pas non, un pylône électrique. C'est un pot okay. au noir, voilà. Ça fait référence ça fait référence, alors je ne sais pas l'origine, l'étymologie oui, exactement, mais, importe, mais aux régions, aux temps particulièrement violents, avec de la convection profonde et très changeant qu'il y a dans cette région. Et ça n'a pas donné lieu à fantasme, contrairement non, au triangle. Non, ça n'a pas donné lieu à un fantasme, parce que la réalité des navigateurs qui ont traversé cette zone, c'était un lieu craint et à juste titre au temps de la navigation à la voile, parce qu'on peut se retrouver encalminé pendant longtemps dans cette région du fait de périodes de vent très, très faibles, et qui soudain se transforme en tempête. Voilà. Et donc il y avait énormément de pertes de bateaux lors de la traversée du poteau noir, mais traditionnellement depuis le XVIe siècle. Mais oui, mais pareil pour le Cap Horn. Pareil pour le Cap Horn. Bah, des bateaux ont disparu parce que la météo est infernale. Voilà, les trous dans la mer sont énormes. C'est juste ça en fait. Oui, tout à fait. Oui. Un moment dans le récit, nous avons raconté l'aventure de Jacques Mayol. Alors il s'est rendu aux Bermudes, pensant y trouver, alors lui carrément, l'Atlantide. Pourquoi gêner d'ailleurs hein, quand on a un fantasme, autant qu'il soit le plus grand possible. Il reviendra bredouille, évidemment. Comment expliquer que cet homme raisonnable et ceux qui sont partis à l'aventure avec lui soient partis avec cet état d'esprit ? C'est fou parce qu'ils connaissent bien la mer quand même. Oui, Jacques Mayol, c'est certain, connaît bien la mer. J'imagine que quelquefois on se prend au jeu aussi. Il y a tout un aspect psychologique qui fait que le mystère, ça attire et ça mène à avoir une construction mentale où on peut effectivement imaginer beaucoup de choses. Alors lui, il a essayé de le tester. Donc il a eu une approche après. Bon, il a convaincu beaucoup de gens de le soutenir dans cette aventure. Mais il a été quand même avec une approche honnête, d'essayer de voir ce qu'il y avait et qu'il n'a pas trouvé. Bon, on a parlé pas mal de l'irrationnel, des fantasmes. On va pas jusqu'au complotisme parce que ça reste pas méchant cette affaire-là. Hein. Enfin, on va donner la parole à la science maintenant. Vous êtes rendu non loin du triangle, en mer des Sargasses, c'est ça. Hein. Oui. Alors que ressent-on sur place ? Expliquez-moi cet endroit. Et alors avec le regard à niveau de l'homme lambda comme moi, hein, qui n'est pas un spécialiste, et puis avec le regard de l'océanographe, les deux. Oui, ce sont ces mers subtropicales, donc qui ne sont pas dans la partie, disons, à l'est des Antilles, mais au nord des Antilles, entre les Antilles et le Gulf Stream, sont des zones franchement très agréables aussi à la plupart du temps. Il y fait plutôt beau, mais pas tout le temps, comme on l'a vu. La mer est chaude. Est-ce qu'elle est toujours agitée ou est-ce qu'elle peut être calme ? Elle peut être très calme, elle peut être agitée, elle peut être très calme, c'est très variable. C'est très variable. Et le côté décevant, c'est qu'effectivement, on peut facilement oublier ce danger qu'il y a, qui est inhérent à presque toutes les mers du globe, hein, d'ailleurs. Mais qui est que 90% du temps, les conditions vont être extrêmement favorables et agréables. Et puis, de temps en temps, on peut se retrouver sur une très grosse tempête tropicale ou une tempête hivernale. Sur lequel le bâtiment sur lequel on est n'est peut-être pas tout à fait prêt à affronter. Et qu'est-ce que vous avez ressenti ? Vous saviez que vous étiez dans la région du Triangle. Quelle place a occupé dans votre représentation mentale de scientifique ? Parce qu'on a beau être scientifique, on est quand même là au Triangle. Oui, mais alors Pas vraiment, en fait. Non, j'ai pas pensé tout à fait à ça. Moi, j'ai pensé, c'était entre Porto Rico et les Bermudes. Et puis, j'étais une fois un peu plus à l'est. Et c'était plutôt que j'étais intéressé de voir ces régions qui sont aussi caractérisées en surface par beaucoup de, par la présence de sargasses. Ces algues flottantes. D'où la mer des sargasses. Là. D'où la mer des sargasses. Ah, c'est quoi les sargasses, dites-moi. Alors, les sargasses, ce sont des macro-algues qui flottent, ouais. Qui peuvent faire des nappes. Très épaisse. Jusqu'au large ? C'est au large qui se développe. Mmh. Et traditionnellement, elles étaient donc au nord, en mer des Sargasses, donc ouais. Au nord des Antilles, entre Antilles et Bermudes, typiquement. Et ces sargasses ont toujours été un frein à la navigation, parce que effectivement, quand on est un petit voilier, qu'on se prend dans les sargasses, et ben, On est pris dans la nasse. Voilà, on est pris dans la nasse et il faut dégager tout ça, et c'est un peu compliqué. D'ailleurs, récemment, Tara, le voilier scientifique Tara, qui est une goélette, a été étudié. Alors maintenant, on les trouve aussi au large des Antilles, à l'est des Antilles, depuis une dizaine d'années, a été dans cette région cet été. Et ils voulaient collecter des sargasses, et donc dans la nuit, ils ont essayé de franchir un des ces bancs très épais, et l'hélice, et en particulier, puisqu'ils étaient à moteur à ce moment-là, étaient complètement prises de sargasses, et il a fallu tout nettoyer et dégager pour arriver à faire... à la faire refonctionner. Bon, de sarcasme au sarcasme, on va pas être méchant, hein. Ça peut arriver. Oui. On va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Feu Chatterton, Compagnon. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît. Il aurait dû nous écouter. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnon des mauvais jours, que vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la Fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnon des mauvais jours, que vous soyez une bonne nuit. Je prends ma casquette, puis deux ou trois cigarettes dans le paquet, et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer. We'll be right back. Gilles Reverdin, monsieur l'océanographe, il y a aussi l'hypothèse longtemps relayée d'une conjonction entre le nord géographique et le nord magnétique qui ferait des Bermudes une zone magnétique instable. Ça tient ? Pas vraiment, je pense. Bon, pas plus instable, d'ailleurs. Oui, non. Les zones où il y a vraiment un problème de navigation, c'est quand on est proche du pôle magnétique. Qu'on a vraiment On évacue. On évacue, oui. Bien. Je reviens juste sur les sargasses. Là, c'est 2 mètres de hauteur. Ça peut faire 2 mètres oui, de hauteur. Oui, les sargasses peuvent se. Ce sont des algues qui poussent à partir de la surface, qui flottent, et donc elles peuvent avoir 2 mètres. Oui, c'est nappes de sargasses, 2 mètres d'épaisseur. Très dense. Les bateaux savent l'éviter, ils savent où elles sont, elles peuvent venir pendant la navigation. Elles peuvent venir pendant la navigation. Elles sont suivies par les images satellitaires. Donc il y a des cartes qui sont produites. Il y a des produits maintenant qui sont distribués aux navigateurs pour essayer de les trouver. C'est pas encore très fiable. Donc on peut se les prendre de façon aléatoire, effectivement. Être bloqué. Bon. Temporairement bloqué. Alors on en vient à cette hypothèse, moi je n'y connais rien, mais qui me paraît tenir debout. Les poches de gaz de méthane. Alors qu'est-ce que... Dites-moi. Alors là, on et tombe... argumenter parce que ça, oui. ça, apparemment c'est le plus sérieux. C'est le plus sérieux, effectivement. Mais la problématique des poches de méthane, elle est surtout évoquée dans les mers de l'Arctique ou les mers froides, même au large de l'Écosse. Donc là, ça colle pas. Voilà, là, on est dans une mer chaude. Et avec des fonds marins, sauf au voisinage des Bahamas, qui sont très profonds. Donc les émissions de méthane du fond, parce qu'il y a de partout un petit peu d'émissions de méthane dans les sédiments, c'est naturel, hein, c'est un résultat de l'activité microbienne qui fait que la matière organique qui tombe au fond se transforme en méthane en partie. Et donc ce méthane est émis. Alors, c'est souvent des suintements, ce ne sont pas des poches très denses. Quand il y a des poches importantes, c'est soit qu'il y a une raison géologique pour avoir des remontées du gaz depuis le sédiment qui se concentre en certaines zones, soit qu'il y a des hydrates de gaz au fond, c'est du méthane qui est sous une forme congelée. Il gèle sous l'effet de la pression de l'océan et à température assez froide. Ah oui, on retombe sur les mers froides. En mer chaude, je n'ai pas entendu parler même de traces de pockmarks, ce qu'on appelle, c'est le nom qu'on donne à ces sortes de cratères au fond de l'océan. Il y en a près des Bahamas, il y en a dans certaines zones, mais sur le fond du triangle des Bermudes, je ne pense pas que ce soit une hypothèse très probable. Alors, question de fond, toujours, concernant le triangle des Bermudes. Les scientifiques, j'imagine, aimeraient bien avoir l'explication totale, rationnelle, scientifique. Au bout du compte, vous en pensez quoi? Au bout du compte, c'est quoi ce triangle des Bermudes pour vous? Et en résumé, en synthèse. Pour moi, en synthèse, c'est vraiment une conjonction. Enfin, sur le plan scientifique, il n'y a pas vraiment trop de mystère. Il y a une conjonction de... Alors, il y a une conjonction, peut-être comme ça a été évoqué, hein, de faits qui n'ont rien à voir avec la météorologie ou l'océanographie, mais qui peuvent être des bateaux qui disparaissent parce que les équipages souhaitent disparaître ou qui sont interceptés ou la piraterie. Mais c'est surtout, je pense, l'impact des conditions météo mal prévu, avec des équipages pas forcément entraînés pour affronter des mers très violentes, hein, et des vents. Parce que quand on est dans un cyclone de force 4 ou 5, il faut savoir naviguer dedans. Hein. Ben oui. C'est pas quelque Donc chose. C'est un problème de navigation, en fait. C'est un problème de navigation. Et pour les avions, là aussi, les prévisions météo qui étaient franchement, jusqu'il y a une trentaine d'années, pas très fiables quand même dans les régions tropicales, affronter, si on est dans un avion de taille moyenne, des gros nuages convectifs très intenses, c'est pas facile. Bon, toute dernière question, il nous reste 30 secondes. C'est dangereux. Sur quel projet travaillez-vous en ce moment ? Moi, là, je travaille sur comprendre le rôle de l'océan sur le climat. Ah bah oui. Oui. C'est une urgence et c'est de circonstances. C'est une urgence, voilà, ouais. Circonstances. On regarde les gaz, les émissions de CO2, de gaz, de dioxyde de carbone et la façon dont l'océan absorbe le dioxyde de carbone. Oui. En particulier. Voilà. Peut-être qu'un jour, vous reviendrez, que nous parlerons du sixième continent, le plastique sous la mer. Ah oui, les plastiques, oui. C'est un sujet grave. Un sujet grave, oui. Merci, Gilles Reverdin. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le triangle des Bermudes, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Kevin Pelot. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Récits documentaires, Adrien Cara, Odile Conseil, Jean Bulot, Romain Weber et Jeanne Mayer. Attaché de production, Rebecca Denante et Stéphanie Valois. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Valentine Chedebois. Réalisation, Marion Lelay, Flora Bernard et Stéphane Combes.